vêtu de majesté. L'Éternel est revêtu de force, il s'en est saint. Le monde est ferme, il ne chancelle point. Ton trône est établi dès l'aube.